Donc on commence aujourd'hui le cours 2 dans l'explication du livre Al-Amru bi luzumi jama'at al-muslimin wa imamihim wa at-tahdhiru min mufaraqatihim du Cheikh Abd Salam ibn Burjis rahimahullah. Et c'est un livre très important, ainsi que le livre Mu'amalat al-Hukam fi daw al-kitabi wa sunnah. La façon ou l'attitude ou le comportement à adopter envers les dirigeants selon le Coran et la Sunna. C'est un sujet extrêmement important à notre époque parce que beaucoup de musulmans, malheureusement, ignorent ces principes de la Sunna qui sont des fondements dans la Sunna. Et non seulement certains ignorent ces principes-là, d'autres ne les ignorent pas, mais ils s'y opposent carrément à cause de leur passion et de leur désir. Et ils refusent d'accepter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Donc l'ordre de rester avec la jama'a, avec le corps des musulmans, les musulmans qui se sont mis autour de leurs dirigeants et qui ont donné allégeance à ce dirigeant-là, et il refuse donc, ceux qui refusent de lui obéir ou qui s'opposent à lui, et bien dans ce cas-là, ils sortent contre la jama'a, ou ils détruisent la jama'a, ou ils brisent la jama'a. Ça, c'est bien entendu quelque chose qui est interdit, qui a été mentionné dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plusieurs hadiths là-dessus. C'est pour ça que les ulama ont fait de cette sunna un principe et un fondement parmi les fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ici on a commencé aujourd'hui le chapitre 2 dans le livre et c'est les preuves de la sunna. Donc au dernier cours on a mentionné les preuves du Coran. Aujourd'hui on va mentionner les preuves de la sunna. Et le cheikh, dans ce chapitre-là, il a mentionné plusieurs hadiths, je pense une douzaine de hadiths et des paroles des salafs sur cette question-là. Donc on va lire ça ensemble, incha'Allah. Et donc le cheikh dit « Adillatu al-adillatu min as-sunnati ala wujubi luzumi al-jama'a » C'est-à-dire les preuves de la sunna au sujet de l'obligation de rester avec la jama'a, d'adhérer à la jama'a et de supporter cette jama'a, c'est-à-dire le corps des musulmans. Et la première preuve que le cheikh a mentionnée, c'est la suivante. Ad-dalil al-awwal, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum ويكره ثلاثا إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أخرجه مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وقد أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند من طريق سهيل بن أبي صالح به وفيه وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولم يذكر مالك ولا تفرقوا. Donc, le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait pour vous de trois choses et il déteste trois choses. Il est satisfait pour vous que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, que vous ne faisiez aucune forme de shirk avec lui en associant quoi que ce soit. Et la deuxième chose, c'est que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah ensemble et que vous ne vous divisiez pas. Donc ça, c'est la deuxième chose et la troisième chose. Et il déteste pour vous trois choses. La première, qil wa qal. Hein? Qil wa qal, c'est-à-dire le fait de faire de la médisance, de parler des choses qui ne nous concernent pas, tout ce qui a rapport avec les ragots et des choses de ce genre. Wa kathratu su'al, hein, de poser trop de questions, des questions inutiles ou qui ne sont pas bénéfiques. Wa ida'at al-mal, et de gaspiller l'argent. Donc, ce hadith est rapporté par Muslim dans Kitab al-Aqdiya, dans son Sahih. Et il mentionne la chaîne de transmission. Hein, c'est par le chemin de Jarir, selon Suhail, selon son père, selon Abi Huraira. Ensuite, il mentionne que l'imam Malik l'a également rapporté dans Al-Muwatta, ainsi que l'imam Ahmad dans la Musnad. Et la chaîne ou le chemin qu'il a mentionné pour ce hadith-là, c'est selon Suhail ibn Abi Salih. et dans cette narration-là, ou dans cette version du hadith, il dit وَأَنْتُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. C'est-à-dire que vous donniez la nasiha, le bon conseil, hein, à celui à qui Allah a donné le pouvoir ou l'autorité sur vous. Et dans cette narration de l'imam Malik, il n'a pas mentionné la partie qui dit et ne vous divisez pas, hein, ou que vous ne vous divisiez pas. Et donc il dit ensuite, le Cheikh Abd al-Salam, فَعَلَى رِوَايَةِ مُسْلِمْ تَكُونُ الثَّلَاثَةَ الْمُرْضِيَّةَ الْأُولَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ الثَّانِيَةَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالثَّالِثَةَ وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَعَلَى رِوَايَةِ مَالِكِ وَأَحْمَدِ تَكُونُ الْأُولَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالثَّانِيَةَ وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَالثَّالِثَةَ وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. Donc, selon les deux narrations, lorsqu'on regarde, premièrement, la version de Muslim, si on regarde les trois choses que Allah subhanahu wa ta'ala a agréées pour nous, la première, c'est que on n'adore rien, on adore que Allah, hein, qu'on adore Allah seul. La deuxième, est qu'on ne fasse pas de shirk avec lui en associant quoi que ce soit. Et la troisième, de se cramponner au câble d'Allah tous ensemble et de ne pas se diviser. Donc ça, c'est les trois choses mentionnées dans le hadith, dans la narration rapportée par l'imam Muslim. Tandis que dans la narration de l'imam Malik et de l'imam Ahmad, rahimahumullah, eh bien, la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala agrée ou a agréé, c'est qu'on adore Allah seul et qu'on ne fasse pas de shirk avec lui en associant quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose. Donc il les a mis les deux ensemble, tandis que dans la narration de Muslim, elles sont toutes les deux séparées. La deuxième, c'est de se cramponner au câble d'Allah tous ensemble et de ne pas se diviser. Et la troisième, et on est toujours dans la narration de Malik et de Ahmad, c'est de donner le bon conseil à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorité et le pouvoir sur nous. Donc ça, c'est les trois yani les trois choses que Allah subhanahu wa ta'ala a agréées dans la première narration et dans la deuxième. Donc on peut comprendre que ces deux narrations-là, elles se complètent l'une l'autre, hein? Et le cheikh ici, il dit ensuite, وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد على هذا الحديث وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق، قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا. وساق الحافظ ابن عبد البر بعض الآثار في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله الآية، ثم قال الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا أنه أراد الجماعة والله أعلم، وهو أشبه بسياقة الحديث. أما كتاب الله فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث، وغير أن هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع، لا ولا الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح، وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة. وقال وقال الإمام ابن المبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعافنا نهبا لأقوانا. انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il mentionne ensuite les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre At-Tamhid, qui est un commentaire, une explication du livre de Al-Muwatta de l'imam Malik. C'est un livre en plusieurs volumes. Et l'imam Ibn Abd al-Barr, c'est un parmi les ulama, les grands ulama de l'Andalousie, et un des imams parmi les imams des salafs et des imams du hadith. Et il a de nombreux ouvrages, comme justement At-Tamhid. Il a aussi un autre commentaire de Al-Muwatta qui s'appelle Al-Istidhkar. Et il a aussi également un livre qui s'intitule Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Et il a d'autres ouvrages également. C'est un grand imam parmi les imams d'Ahl Sunnah. Et donc il dit ici à propos de ce hadith dans la narration de Al-Muwatta, il y a dans ce hadith une incitation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce qu'il mentionne du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé trois choses pour nous. Il y a dans ce hadith là l'incitation à rester cramponné et s'accrocher au câble d'Allah dans l'état d'unité et dans l'état d'harmonie entre les croyants. Et le câble d'Allah ici, comme on l'avait expliqué au dernier cours par rapport au verset dans le Coran, le Cheikh Ibn Abd al-Barr, il dit que le câble d'Allah dans ce hadith, il dit que ça signifie deux choses. Soit le livre d'Allah, donc le câble d'Allah c'est le livre d'Allah, donc Allah il nous ordonne de se cramponner et de s'accrocher à son livre. Et l'autre signification de Hablullah, c'est Al-Jama'a. C'est-à-dire le fait de rester uni et de rester un seul groupe et de ne pas se diviser. Et il explique, il dit qu'il ne peut pas y avoir d'unité excepté avec un dirigeant, excepté avec un imam. Donc s'il n'y a pas de dirigeant, il ne peut pas y avoir de jama'a. Hein? Et s'il n'y a pas de jama'a, il n'y a pas d'unité. Donc la jama'a est une obligation. Et pour qu'il y ait une jama'a, il faut qu'il y ait un imam. Donc l'imam, la présence d'un imam, d'un dirigeant, ça c'est une obligation aussi. Et c'est ça que le cheikh explique ici. Et il dit, pour moi, ces deux significations-là sont entre l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont proches et elles rentrent l'une dans l'autre parce que l'une implique l'autre. Et il explique pourquoi. Il dit parce que le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de rester unis et nous interdit de se diviser. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il le dit justement dans le verset 105 dans Sourate Al-Imran, lorsqu'il dit et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé. Et dans le verset 103, dans Surat Al-Imran aussi, quelques versets plus tôt, hein, lorsqu'il dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu », c'est-à-dire « Cramponnez-vous tous au câble d'Allah ensemble et ne vous divisez pas ». Et donc, le cheikh, il explique que Al-Hafiz ibn Abdelbar, il a mentionné par la suite certaines narrations pour expliquer la signification de la parole d'Allah dans le verset 103 dans Surat Al-Imran, « Wa'tasimu bihablillah » et « Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah ». Et il dit ensuite, ce qui est le plus apparent à propos du hadith de Suhail qu'on a mentionné tout à l'heure, que Allah est satisfait pour vous de trois choses, lorsqu'il dit de rester cramponné au câble d'Allah tous ensemble, qu'il veut dire par cela la jama'a. Qu'il veut dire par cela la jama'a, c'est-à-dire le fait de rester unis et de rester autour de notre dirigeant. Et il dit, donc c'est ça pour lui la signification, il dit « Wallahu a'lam » et que c'est ce qui est le plus apparent dans le contexte du hadith. En ce qui concerne l'explication du câble d'Allah comme étant le livre d'Allah, eh bien il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de rester cramponnés, hein, à son livre, hein, au Coran, dans plusieurs versets, et également, il y en a de rester cramponné à la jama'a. Et il y a plusieurs hadiths qui expliquent cela également. Donc la jama'a, eh bien entendu, elle doit être unie autour d'un dirigeant qui est écouté, c'est-à-dire qui est écouté et obéi, et que ce dirigeant-là, parmi les dirigeants des musulmans, il a plusieurs responsabilités. Il a plusieurs responsabilités dans l'islam, le dirigeant. Parmi les exemples des responsabilités que le cheikh a mentionnées pour le dirigeant, c'est qu'il va être le tuteur de la femme qui n'a pas de tuteur dans le mariage. Donc il sera le wali de la femme qui n'a pas de wali. Il dit « Wa taqdimul qudat lil'aqdi ala al-aytam » Donc il va également être responsable de présenter les juges, hein, et de choisir les juges pour juger dans les ententes et dans les contrats ou dans les questions qui ont rapport avec les orphelins et toutes les autres règles de la religion. On a besoin des juges, on a besoin des tribunaux et c'est le dirigeant qui est responsable d'établir ça. « Wa yuqimu al-a'yad wal-jumu'at » Donc c'est lui qui va également établir les rassemblements des croyants lors des fêtes et des célébrations de Eid et lors des prières de vendredi, hein, et les prières en groupe. C'est lui qui est responsable d'établir ça et de gérer ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Wa tu'ammanu bihi as-subul. Donc c'est lui le dirigeant qui est responsable également de faire en sorte que les chemins et les routes soient sécurisés. Hein, qu'il n'y ait pas des brigands ou des voleurs ou des cambrioleurs qui se permettent de cambrioler ou de voler les gens sur les routes. Et il y en a tout ce qui a rapport avec la sécurité. C'est-à-dire la personne qui est opprimée, ou qui a subi une injustice, eh bien, le dirigeant est responsable de faire en sorte qu'elle soit compensée et que son injustice soit, l'injustice qui lui a été faite soit réparée. وَيُجَاهِدُ عَلَى الْأُمَّةِ عَدُوَّهَا Il va combattre et lutter contre les ennemis de la Ummah. Donc c'est lui le responsable des armées et de tout ce qui a rapport avec la guerre. وَيُقَسِّمُ بَيْنَهَا فَيْئَهَا Et c'est lui qui est également responsable pour distribuer le butin parmi les combattants et les croyants. Donc, ça c'est certaines des responsabilités et des devoirs du dirigeant. Et donc, toutes ces règles-là dans l'islam sont des règles qui sont restreintes et limitées aux dirigeants seulement. C'est-à-dire que c'est seulement un dirigeant qui a l'autorité et le pouvoir d'établir ces principes-là. Donc, s'il n'y a pas de dirigeant, donc il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre dans la société musulmane. C'est pour cette raison-là que la présence d'un dirigeant dans l'islam, c'est extrêmement nécessaire, hein, et obligatoire. Et c'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et il nous a ordonné d'être patients, même s'ils commettent des péchés, même s'ils font de l'injustice. Et il nous a interdit de se rebeller ou de le combattre, même s'il faisait des péchés et des injustices. Pourquoi? Parce que le bienfait de sa présence est plus grand que le méfait qui découle de ses péchés ou de son injustice. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se rebeller contre lui. Et ça, on va le voir parce qu'il y a plusieurs hadiths dans ce sens-là, dans la sunna. Et c'est un, comme on l'a dit, c'est un principe fondamental chez les gens de la sunna. Alhamdulillah. Ensuite, le cheikh, il dit, et parce que également, la divergence et la division est une source de perdition. Tandis que la jama'a, le fait d'être unis, d'être ensemble, et de former un seul groupe, un seul corps, c'est un salut pour la Ummah. Et le cheikh, il dit ensuite que l'imam Ibn Abdelbar, pardon, l'imam Ibn al-Mubarak, un des imams parmi les imams du hadith, les imams des salafs, qui vivaient à l'époque de l'imam Malik, justement, et on l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith, c'était un des grands savants parmi les savants de l'époque. Et il disait dans un poème que la jama'a, c'est le câble d'Allah, alors cramponnez-vous à celui-ci. Parce que c'est l'anse la plus solide pour celui qui pratique sa religion et s'accroche à sa religion. Combien d'injustices Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il enlevé par la présence d'un dirigeant dans notre religion? Et c'est une miséricorde de sa part dans notre religion et dans notre dunya. Et il dit, et si ce n'était que du khalifa, du khalifa, nos chemins n'auraient pas été sécurisés et les faibles d'entre nous auraient été les victimes et les proies de ceux qui sont les plus forts parmi nous. La loi de la jungle, comme on dit. Et ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Mubarak dans ce poème. Donc, la deuxième preuve que le cheikh Abdussalam ibn Burgis, rahimahullah, a mentionnée, c'est le hadith suivant. Il dit, وروى الإمام أحمد في المسند عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بهم من وراءهم. Donc, ici, ok, on va lire parce qu'il y a plusieurs narrations de ce même hadith. Donc, je vais toutes les lire avant de commencer la traduction. Donc ça c'est la première narration. Après le cheikh il dit wa akhraj al imam Ahmad fil musnad aydan من حديث إسحاق من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر وفي لفظ طاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. Donc ça c'est les deux narrations ici qui ont été mentionnées en premier. Naam. Et naam. Donc premièrement, c'est le deuxième dalil qui a été présenté ou ramené, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad. Naam. Et c'est rapporté selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de celui qui a entendu un hadith de moi ou qui a entendu de nous un hadith qu'il a mémorisé jusqu'à ce qu'il le transmette à quelqu'un d'autre. Il dit parce que certes celui qui transporte une compréhension, hein, ou une science quelconque, c'est possible qu'il ne soit pas lui-même un savant ou quelqu'un qui a la compréhension de ce qu'il a transmis, de ce qu'il a mémorisé. Et peut-être que cette personne-là, justement, qui porte une science ou qui porte une connaissance, peut la transmettre à quelqu'un qui a plus de compréhension que lui. Et il y a trois caractéristiques. Hein? Le musulman n'a pas de trahison ou de trahison ou de rancune dans son cœur, hein, par rapport à ces trois choses-là. Et il mentionne la première, c'est de purifier ses œuvres pour qu'elles soient uniquement pour Allah, donc avoir à l'ikhlas. Deuxièmement, de donner le bon conseil à celui qui est le dirigeant des musulmans. Donc, de donner la nasiha au dirigeant. Et la troisième, c'est de rester avec la jama'a. Hein? De rester avec la jama'a parce que leur invocation enveloppe tous ceux qui sont derrière. Hein? Leur invocation ou l'invocation de la jama'a, elle enveloppe tous ceux qui sont derrière. Et une autre narration de l'imam Ahmad dans sa Musnad également, qui est rapportée dans le hadith de Ibn Ishaq, selon l'imam Az-Zuhri, selon Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im, selon son père, hein, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné lorsqu'il était à Mina, hein, à l'endroit qu'on appelle Al-Khayf, il a fait un discours. À ce moment-là, il a dit que Allah illumine le visage de quelqu'un qui a entendu ma parole, qui l'a comprise et qui l'a transmise telle qu'il l'a entendue. Parce que c'est possible qu'une personne porte une science ou une compréhension sans lui-même la comprendre, hein, ou sans avoir lui-même de compréhension. Et que c'est possible qu'une personne transporte une science ou une compréhension qu'il la transmette à celui qui a plus de compréhension que lui. Et il dit, il y a trois choses. Le cœur du musulman n'aura aucune rancune ou aucune trahison ou traîtrise envers elle. C'est la première, il a mentionné, le fait de purifier nos œuvres pour qu'elles soient faites avec sincérité et pureté dans l'intention uniquement pour Allah et exempte de toute forme de shirk. Deuxièmement, de donner la nasiha à celui qui est le dirigeant. Et dans une autre narration, d'obéir à celui qui a le commandement. Et ensuite, de rester, la troisième chose, rester avec la jama'a. Hein, donc, il dit, parce que leur invocation, elle va être derrière eux. Hein, elle va comprendre tous ceux qui sont derrière elle. Et le cheikh, il dit ensuite, wa akhrajahu Ahmed Aydan, min tariqi ibn Ishaq, قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه فذكر الحديث وقد جاء هذا الحديث بأسانيد عن جماعات من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك والنعمان بن بشير ووالده بشير ابن سعد وأبو سعيد الخدري وابن عمر ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس وغيرهم من الصحابة وبعض أسانيده صحيحة وبعضها حسنة وبعضها معلولة فهو حديث متواتر. Et naam. وقد جمع هذا الحديث العظيم ما يقوم به دين الله ودنياهم فهو من جوامع الكلمة الذي أوتيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, ce hadith il a été rapporté par l'imam Ahmad et aussi par une autre chaîne de transmission, puis il l'a mentionné, et ensuite il dit, ce hadith est rapporté avec plusieurs chaînes de transmission par un grand nombre de sahaba, et il a mentionné le nom de plusieurs d'entre eux. Donc, il dit à la fin que certaines de ces narrations-là sont authentiques, d'autres sont bonnes, hasana, et d'autres sont ma'loula, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans certaines de ces narrations-là, sauf que, yani, il est, de façon générale, un hadith authentique et il est même mutawatir, c'est-à-dire mutawatir rapporté par un très grand nombre de narrateurs. Et le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il a justement une étude qu'il a faite sur cette narration et sur ce hadith-là, et il a dedans clarifié et expliqué tous les détails qui ont rapport avec cette narration-là et ce hadith-là, et c'est vraiment yani, une étude qui est très approfondie du hadith. Et le hadith, il est donc authentique, ça, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Et il dit ensuite que ce hadith, donc le cheikh Abdus Salam, il dit que ce hadith, il a réuni plein de choses très importantes et qui établit pour les gens leur dunya et leur religion et leur dunya. Et ça fait partie des hadiths qu'on appelle Jawami'ul Kalim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Jawami'ul Kalim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué, il a dit qu'il a reçu une des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres messagers, c'est qu'il a reçu Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire le don de pouvoir s'exprimer en mentionnant des grands principes et des grandes choses en utilisant très peu de mots. Hein? C'est-à-dire, il résume des grandes idées, des grands principes en utilisant très peu de mots. C'est ce qu'on appelle Jawami'ul Kalim. Et donc, ce hadith-là fait partie justement de Jawami'ul Kalim. Et il dit, « Wa li bayani عظم هذا الحديث وجلالة شأنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الثلاث يعني إخلاص العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق لله وحق لعباده فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا وحقوق العباد قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين لأن المتكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولأن مصلحتها خاصة فردية وأما الحقوق العامة فالناس نوعان رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il explique il dit pour clarifier la grande importance et la majestuosité de ce hadith, hein, la majesté de la grandeur de ce hadith et à quel point il est majestueux, on peut lire les paroles et les propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui nous explique dans Majmou' al-Fatawa pourquoi ce hadith-là est si important et pourquoi il fait partie des règles, des piliers, des fondements de la religion et de ses principes. Il dit que ce hadith-là, hein, c'est trois choses qui sont mentionnées dedans. Premièrement, l'ikhlas, donc purifier les actions pour qu'elles soient exemptes de toute forme de shirk. Et deuxièmement, le fait de donner le bon conseil aux dirigeants. Et troisièmement, de rester avec la jama'a des musulmans, de se cramponner à la jama'a. Il dit, ces trois choses-là réunissent les fondements de la religion et ses principes. Et la raison de ça, il va l'expliquer par la suite. Il dit, ce hadith réunit les droits qui sont pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour les créatures, les serviteurs. Et ces trois choses-là, c'est en réalité un hadith qui nous explique comment s'établit l'organisation des intérêts et des biens de la dunya et de l'au-delà. Et pour clarifier ça, eh bien, on peut comprendre que, en réalité, les droits des hommes ou les droits qui existent sont de deux catégories. Premièrement, les droits d'Allah et les droits des créatures, des serviteurs. Donc, c'est deux catégories de droits, les droits qui reviennent à Allah et les droits qui reviennent aux créatures, aux serviteurs. Et donc, il explique maintenant, le droit d'Allah, c'est quoi? C'est qu'on l'adore lui seul et qu'on n'associe rien. Hein, et qu'on ne fasse pas de shirk avec lui, en associant quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Donc ça, c'est le droit d'Allah. Et c'est à l'ikhlas. Hein? Ikhlas al-amal. Et tandis que le droit des serviteurs, il dit, il se divise lui aussi en deux catégories. Hein? Il se divise en deux catégories. Le droit des serviteurs se divise encore en deux catégories. Ce qui est particulier et ce qui est général. Et là, il explique chacune des deux catégories. Il dit, en ce qui concerne ce qui est particulier, eh bien, c'est comme l'exemple de birrul walidain. Donc, le fait que chaque individu ou chaque personne agisse avec bonté envers ses parents. Wa haqqu zawjatihi, le droit de son épouse. Hein, le droit que l'épouse d'une personne a sur lui. Ça fait partie également des exemples de droits qui sont particuliers. Le droit du voisin, hein, haqqu jarihi. Donc ça aussi, ça fait partie des droits qui sont particuliers. Il dit, et ces droits-là sont des droits qui sont parmi les éléments qui découlent des principes de la religion. C'est une des branches parmi les branches de la religion. C'est-à-dire, c'est pas un fondement, mais c'est une branche parmi les branches, dans le sens que c'est possible qu'une personne parmi les musulmans n'est pas à respecter certaines de ces règles-là dans le sens que elles ne s'appliquent pas à lui. Par exemple, si quelqu'un n'a pas de parents, par exemple, ou si quelqu'un n'a pas d'épouse, il n'a pas respecté le droit de son épouse s'il n'a pas d'épouse, s'il n'est pas marié, hein? Ou bien s'il n'a pas de voisin, supposons qu'il habite tout seul, il n'a pas de voisin, dans ce cas-là, il n'a pas de à appliquer ces principes-là. Donc ça fait partie des branches de la religion. Et il dit, et il y a, il dit, ouais, et également, une des raisons pourquoi c'est des biens, des intérêts ou des biens qui ont rapport avec des choses qui sont particulières et elles ne sont pas générales. Pourquoi? Parce que elles sont particulières à des individus seulement. C'est pas quelque chose qui est général. Tandis qu'il y a des droits qui sont généraux, des droits généraux, et ils sont de deux catégories. Celui du dirigeant et celui du dirigé. Donc les droits du dirigeant et les droits du dirigé, parmi ces droits-là, il y en a qui sont généraux, des droits généraux. Et il donne des exemples. Il dit, par exemple, les droits du dirigeant, c'est qu'on leur donne la nasiha. Ça, c'est un droit qui est général. Et il dit, wa hukuk ar-ra'iya, les droits des dirigés, ceux qui sont dirigés, eh bien, c'est la population, hein? Et leur droit, le droit qu'ils doivent respecter, c'est de rester avec la Jama'a, hein? Parce que cela fait partie de leur intérêt, de leur bien. Et ce bien-là ne peut être établi que lorsqu'ils sont unis, et lorsqu'ils sont unis autour de leur dirigeant. Et il dit, et ils ne se réunissent pas sur l'égarement. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la Ummah ne peut pas s'unir sur l'égarement. Et il dit même que plutôt le bien pour eux dans leur religion et dans leur dunya est dans le fait qu'ils soient unis entre eux autour de leurs dirigeants et qu'ils se cramponnent tous ensemble au câble d'Allah. Donc ça, c'est les règles qui réunissent les fondements de la religion. Fin de la citation des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah ici. Et ensuite, le cheikh, il va citer les paroles de l'imam cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là. Et il dit, قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انتهى كلامه. Donc il dit, et le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit dans son livre Masail al-Jahiliyyah, après avoir mentionné ces trois caractéristiques qui sont mentionnées dans le hadith, il dit, rahimahullah, il n'y a pas eu un problème ou un défaut dans la religion des hommes et dans leur dunya, excepté à cause du fait qu'ils ont eu des manques dans un de ces trois piliers ou dans un de ces trois principes, ou certains d'entre eux, hein, dans leur religion ou dans leur dunya. Fin de la citation. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé un problème dans la vie des gens, dans leur religion ou dans leur dunya, excepté s'ils ont manqué à respecter une ou plusieurs de ces principes qui sont mentionnés dans ce hadith. Et il dit ensuite, Cheikh Abd Salam, il dit, فَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ عِلَّةِ الْجَمْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً إِلَى آخِرِهِ وَقَوْلِهِ فِي الشَّطْرِ الْآخَرِ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ إِلَى آخِرِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَحَدَ وَجْهَيْنِ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض سامع سنته على تبليغها وأدائها بين أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها لأن كل منها محرض له على ذلك التبليغ قاله الحافظ والثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله نضر الله امرأ سمع مقالتي إلى آخره. قال ابن عبد البر في التمهيد ألا ترى أن صل أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة أولي الأمر. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit ensuite il dit si tu demandes à propos de l'explication hein, de l'explication de dans ce hadith là hein, tu demandes à propos de l'explication ou de la raison pourquoi dans ce hadith il y a comme s'il y avait deux parties au hadith. La première partie dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une invocation pour celui qui entend sa parole, qui l'a mémorisée et qui l'a transmise telle qu'il l'a entendue. Que Allah illumine son visage. Donc, ça c'est hein, la première chose. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Naddarallahu imra'an ». Et c'est comme qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, dans Sourate Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idhin nadira. Nadira, ça veut dire, yani, le visage de certaines personnes au jour de la résurrection, eh bien, elles seront illuminées, hein, éclatantes, éclairées. Hein. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le verbe nadara, hein, ça, c'est ce qui vient de nadir, nadira. Et c'est qu'il demande, donc Allah illumine son visage. Ça, c'est la première partie du hadith. Puis la deuxième partie du hadith, où il mentionne qu'il y a trois choses, hein, il n'y a pas de traîtrise ou de trahison ou de rancune dans le cœur du croyant contre ces choses-là. Donc, pourquoi réunir ces deux parties séparées du hadith? Et le cheikh, il répond, et il dit que c'est une des deux possibilités où les... Yani, c'est possible qu'il y ait deux explications ou deux possibilités par rapport à l'explication de ça ou de la raison de ces deux parties-là. Il dit la première, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a incité la personne qui a entendu sa sunna à la transmettre et de la mémoriser et de la transmettre comme il l'a entendu, hein, c'est comme si en même temps, il clarifie qu'il y a des choses que c'est important que le musulman l'ait accepté et compris dans son cœur. Et toute personne donc, qui va entendre cette parole-là, il a été incité à comprendre ça et à le transmettre. Et ça, c'est ce que le cheikh a mentionné. Al-Hafiz, il a mentionné ça dans... à propos de l'explication de ce hadith-là. Il dit « Anna kulla minha muharridun lahu ala dhalika tablir » Donc tout ça, c'est quelque chose qui l'encourage à transmettre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, lorsqu'il dit « Il y a trois choses, le cœur du musulman n'a pas de trahison, de traîtrise dans son cœur contre elle », eh bien c'est pour clarifier, yani pour confirmer la transmission hein, ici par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que Allah éclaircisse et illumine le visage de celui qui a entendu ma parole et qui la transmette. Donc c'est pour confirmer l'importance de transmettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses grands principes. Ensuite il cite les paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr ici encore une fois dans At-Tamhid, dans lequel il dit « Ne vois-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations pour celui qui a mémorisé sa parole hein, et qu'il l'a mémorisé, qu'il l'a gardé et qu'il l'a transmise pour confirmer hein, sa mémorisation et sa transmission. » Et c'est lorsqu'il dit « Il y a trois choses. » Le cœur du musulman n'a pas de trahison, de traîtrise ou de rancune contre elle. Et il mentionne les trois choses. l'ikhlas dans les actions qu'on fait pour que ce soit uniquement pour Allah et de rester avec la jama'a et de donner le bon conseil à ceux qui ont le commandement, c'est-à-dire aux dirigeants. Donc, fin de la parole de Ibn Abdel Barr. Ensuite, il dit, « Qultu, الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني والروايات التي فيها سمع منا حديثا على العموم يحتمل الوجه الأول. Donc il dit les narrations dans lesquelles il y a la parole, il a entendu mes propos. Ça confirme la première. Hein? La première explication ou la première possibilité. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité d'entendre sa sunna et de la transmettre. Et de la transmettre et de la rapporter telle qu'il l'a entendue. Et la deuxième explication, il dit, où est-ce qu'on est rendu ici et les autres narrations dans lesquelles il y a celui qui a entendu de nous un hadith, ça c'est plus général. C'est plus général parce que ce n'est pas seulement celui qui a entendu le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais quiconque de qui il l'a entendu, de celui qui lui a transmis. Hein? Donc ça comprend. Donc le premier, ça comprenait plus la deuxième. Explication. Bayan lil maqal allati akkada fi tablighiha. Donc c'est ça. La première, elle explique que celui qui a entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, la deuxième, celui qui a entendu de nous un hadith quelconque, c'est-à-dire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais peu importe de qui il a entendu par rapport à ceux qui l'ont transmis de la part parmi les sahaba. Hein, et qui l'a transmis à quelqu'un d'autre par la suite, et qui, lui, l'a transmis à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc, ça comprend une signification plus générale. Donc, ça, c'est la première explication. Et le cheikh, il dit ensuite, « Qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, naddara allahu mra'an akthar al-muhaddithin yadbituna naddara bit-tathqil wa minhum من ضبطه بالتخفيف نظره وهو الأجود بل صوبه الرماه مرز لا لا c'est très difficile de prononcer son nom الرماهور مزي donc الرماهور مزي في المحدث الفاصل وليس بصواب بل هو الأجود والأفصح فحسب لأن كل الوجهين جاءت به الرواية وهو سائغ من جهة اللغة. Ok, donc ici le cheikh dit en ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, نضر الله امرئا, c'est-à-dire le dua qu'il fait pour la personne qui entend sa parole ou qui transmet sa parole, il dit que la plupart des savants de hadith, ils mentionnent le verbe avec une shadda, naddara, hein, avec une shadda sur le dad. Et il y en a d'autres qui le mentionnent sans shadda, naddara. Et il dit c'est ce qui est le plus correct ou le plus mieux, hein, de le mentionner sans shadda. Et même que Al-Ramahur Mazi, un des ulama de hadith, il dit dans son livre Al-Muhaddith Al-Fasil que c'est ça qui est le mieux. Il dit Wasawwabahu, il a dit que c'est ça qui est correct. Mais le cheikh, il dit que ça, c'est pas vrai parce que. C'est mieux de, au lieu de dire que c'est correct, que c'est la meilleure des façons de le dire, ou le meilleur des deux, et le plus éloquent seulement. Mais non pas que c'est que l'autre est fausse, celui avec la shadda. Parce que les deux sont mentionnés dans les narrations, et sur le plan de la langue, c'est valable aussi. Les deux sont valables. Après, le cheikh, il dit, wa qala al-mundhiri, ma'nahu ad-du'a lahu bin-nadara. Wa hiya an-ni'ma wal-bahja wal-husn. Fayakunu taqdiruhu jammalahu Allah wa zayyanahu wa qila ghayr dhalik. Intaha kalamuhu. Donc, al-mundhiri, un des ulama, il dit que la signification de nadara ou nadara, c'est d'invoquer, hein, il invoque pour cette personne que Allah lui donne un nadara. Hein, comme dans le verset Wujuhu yawma idhin nadira. Hein, donc, un nadara, c'est le masdar, et ici ça voudrait dire un ni'ma, wal bahja, wal husn, c'est-à-dire la grâce. Le fait d'avoir le visage qui est éclatant et la beauté. Et donc, qu'est-ce qui est sous-entendu dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Naddara Allahu, eh bien, ça veut dire que Allah embellisse, Jammalahu, que Allah l'embellisse, Wazayyanahu, et le rende plus beau, le rende plus beau et plus joli. Donc, Qila, il y a d'autres qui ont dit d'autres choses, comme par exemple, que Allah rende son visage éclatant, brillant, et ainsi de suite. Ça, c'est la fin de la parole de Al-Mundhiri. Ensuite, il parle de la partie du hadith où il dit, il y a trois façons dont le verbe a été lu par les ulama dans ce hadith-là. Il y a la yarillu qalb al-mu'min, ou qalb muslim, la yarillu, la yurillu et la yarillu. Il y a les trois formes. Yarillu, yurillu et yarillu. D'accord? Le premier, c'est-à-dire sur le ya, il y a une dhamma. Et sur le rein, il y a une kasra et il y a une shadda sur le lam. Ça veut dire, maintenant, ça fait quoi? Ça fait yurillu. Dhamma sur le ya, kasra sous le rein et shadda sur le lam. Yurillu. Ça, c'est la première forme. L'autre forme qui a été rapportée, c'est yarillu. La différence avec la première, c'est la fatha sur le ya. Sinon, le reste, c'est pareil. Et la troisième forme, c'est yarillu. Et celle-là, elle est pareille avec la précédente. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de shadda sur le lam. D'accord? Donc, yurillu, yarillu et yarillu. Ça, c'est les trois formes. Et chacune de ces formes a une signification différente. Donc, il dit, qawluhu la yurillu. Hein? Il dit, la yurillu. Turwa yurillu bi dhamm al-ya. وكسر الغين المعجمة وتشديد اللام من الإغلال وهو الخيانة في كل شيء وتروى يغل بالفتح بفتح الياء من الغل وهو الحقد والشحناء أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق وتروى يغل بالتخفيف من الوغول الدخول في الشر قاله ابن الأثير في النهاية وقال والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر وعليهن في موضع الحال تقديره لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن انتهى كلامه. Donc il dit le cheikh ici par rapport à ces trois formes du verbe. Premièrement, la forme avec la dhamma yughillu, ça signifie, ça vient de al-ighlal, et al-ighlal, c'est al-khiyana dans toute chose. C'est-à-dire, al-khiyana, c'est la traîtrise, la trahison. Donc, ça voudrait dire ici que le cœur du croyant n'aurait aucune forme de trahison. Celui qui a ces trois caractéristiques-là, eh bien, il n'aurait pas de trahison dans son cœur, dans quoi que ce soit, ou de traîtrise. La deuxième forme, yarillo, avec la fatha, ça vient de al-hiqd wa-shahna. Hein? Al-hiqdu wa-shahna. Ça veut dire la rancœur, la rancune, l'animosité, la haine. Donc, le cœur du croyant ne va pas être touché par une rancœur ou une rancune qui le ferait dévier de la vérité, hein, à cause d'elle. Donc, s'il possède ces trois choses-là, il ne va pas être dévié par une rancœur qui le ferait dévier de la vérité. Une autre explication, c'est, ou une autre forme, c'est Yarilo. Et c'est-à-dire, Yarilo, ça veut dire Al-Wuru, ça vient de Al-Wurul. Al-Wurul qui veut dire l'entrée dans le mal, d'entrer dans le mal. Hein? Et ces trois formes ont été expliquées par l'imam Ibn al-Athir dans son livre An-Nihaya. Et An-Nihaya, c'est un livre qui est comme un dictionnaire des termes qui sont mentionnés dans les hadiths et qui sont des mots difficiles ou des mots peu connus. Donc, si tu as un hadith, par exemple, tu trouves un terme dedans que tu ne comprends pas, tu peux retourner à ce livre, écrit par l'imam Ibn al-Athir, hein, qui s'appelle An-Nihaya. Et c'est fait comme un dictionnaire. C'est un livre qui est sous la forme d'un dictionnaire et il y a dedans les termes dans les hadiths qui sont difficiles. Et puis lui, il donne leur définition. Et il dit par rapport à cette définition-là dans son livre que ça veut dire, le hadith signifie que celui qui a ces trois caractéristiques-là, il va être capable de réformer et de nettoyer son cœur. Du moment qu'il s'accroche à ces trois principes, hein, d'avoir al-ikhlas, de donner la nasiha au dirigeant et de rester avec la jama'a, eh bien, il va avoir purifié son cœur de toute forme de traîtrise et de trahison et d'entrée dans le mal. Et il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, alayhinna, c'est-à-dire que le musulman qui aura, yani, qui aura ces trois caractéristiques-là, eh bien, son cœur n'entrera pas dans le mal. Hein. Il n'y a pas de trahison, de traîtrise qui va rentrer dans son cœur. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a lui aussi expliqué ce hadith dans Majmou' al-Fatawa. Et il dit justement à propos de ce hadith, à propos du verbe, hein, il dit, قال Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, وَيَغِلُّ بِالْفَتْحِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَيُقَالُ عَلَى Hein? Ghala sadruhu, faghalla idha kana dha ghishin wa dhaghnin wa hiqdin. Ay, qalbu al-muslimi la yaghillu ala hadhihi al-khisal al-thalatha. Wa hiya al-mutaqaddimatu fi qawlihi, inna Allah yarda lakum thalathan, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasihu من ولاه الله أمركم فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله ويغل عليها ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها انتهى كلامه. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit que la version ou la forme qui est la plus populaire ou la plus connue, c'est la forme avec la fatha. Wa yarillu. Hein? La yarillu alayhinna qalbu muslim. Donc le Cheikh, il explique que ici, on dit ghala sadruhu. Hein? Fa ghala. Idha kana dha ghishin wa dhaghnin wa hiqd. C'est-à-dire que dans la langue arabe, on peut dire que la poitrine de quelqu'un, elle a rala. Hein? On peut utiliser ce verbe pour décrire Qu'est-ce que la personne a dans son cœur lorsqu'elle a de la trahison ou de la tricherie ou de la rancœur contre quelqu'un? Et le cheikh, il explique, Ibn Taymiyyah, il dit, c'est-à-dire que le cœur du musulman, il ne va pas avoir de tricherie ou de trahison ou de rancœur pour ces trois caractéristiques qui sont mentionnées dans le hadith qu'on a déjà mentionné dans le hadith précédent, le premier dalil, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah est satisfait pour vous de trois choses, que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui et que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah ensemble et que vous ne vous divisiez pas et que vous donniez le bon conseil et la nasiha en étant sincère au dirigeant, celui à qui Allah a donné le commandement sur vous. Et il dit donc, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait pour nous de ces trois choses-là, donc il ne peut pas y avoir pour ces choses dans le cœur du musulman croyant autre chose que l'amour pour ce que Allah aime. Tandis que celui qui a dans son cœur quelque chose contre ses principes, eh bien, s'il les déteste, ces principes-là, où il a quelque chose contre ces principes-là dans son cœur, alors il a al-ghil contre elle, de la rancune ou de la rancœur ou de la trahison contre ces principes-là. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans sa foi. Hein? Parce que le croyant, il aime ces principes-là et il va être satisfait de ces principes-là. Il ne va pas avoir rien dans son cœur contre ces choses-là. Fin de la citation. Et ça, c'est ce que tu peux constater, Yanni, justement, dans la réalité des Khawarij. Lorsqu'ils entendent parler d'écouter et d'obéir aux dirigeants et qu'on leur mentionne les hadiths au sujet, Yanni, d'écouter les dirigeants et de leur obéir dans le bien, même s'ils sont injustes, eh bien, tu vois que ils sont remplis de rage et de haine et de colère. Lorsqu'on leur cite ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne veulent rien entendre, rien savoir de ces principes-là. Et ils essaient de les contredire ou de les réfuter par toutes sortes de choubouhat. Hein. Soit ils vont essayer de dire des choses comme par exemple, non, ça s'applique pas, hein, ça c'est juste pour des dirigeants qui sont obéissants et qui sont pieux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths en question, il ne mentionne que des exemples de dirigeants qui font des péchés ou qui font de l'injustice, et il nous ordonne d'être patients et de leur obéir dans le bien. Donc, ça ne concerne pas les dirigeants qui sont pieux, hein? Ça concerne les dirigeants qui sont pécheurs ou qui font de l'injustice. Et également, ils mentionnent, ils disent, ça c'est seulement pour le dirigeant général, c'est-à-dire celui qui a qui est le khalifa de toute la Ummah en même temps. Et les ulama, ils ont clarifié que non, ça c'est pas vrai, que ça s'applique à tout dirigeant qui est dirigeant des musulmans, peu importe qu'il soit le dirigeant général ou le dirigeant d'un pays en particulier parmi les pays musulmans. Hein? On a le devoir de l'écouter, de l'obéir dans le bien, même si c'est pas. Il n'a pas le titre de khalifa ou on ne l'appelle pas khalifa, il est quand même waliyul amr, il est le dirigeant. Et il y en a d'autres qui mentionnent comme exemple aussi, comme Shubha, yani, par exemple, ils vont essayer de dire, yani, il y a toutes sortes d'explications, par exemple, ils vont dire, ah mais c'est arrivé qu'à l'époque, au début, comme à l'époque des Sahaba, et après eux, il y en a qui ont pris les armes contre certains dirigeants injustes à cette époque-là et qui se sont, disons, rebellés hein, ou qui ont pris les armes. Et ils essaient d'utiliser ça comme argument pour justifier ces révoltes ou le fait de s'opposer aux dirigeants injustes. Sauf que, hein, comme on le sait dans l'islam, le principe et la règle générale et la règle de base, c'est que personne, peu importe qui il est, ne peut être utilisé comme argument, ses actions ne peuvent pas être utilisées comme argument pour justifier ce qui vient en contradiction avec le Coran et la Sunna, peu importe qui il est. Donc ça veut dire que notre obligation et notre devoir en tant que musulman, c'est toujours de placer le Coran et la Sunna au-devant de toute autre chose. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les hadiths, il mentionne qu'il faut écouter et obéir. Il interdit de se rebeller ou de prendre les armes contre le dirigeant injuste. Donc, si quelqu'un parmi les musulmans a pris des armes contre un dirigeant injuste à une époque quelconque, cette action-là de sa part ne peut pas être utilisée comme une preuve pour justifier le fait de prendre les armes contre un dirigeant, puisque c'est quelque chose qui vient en contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi. Et c'est pour cette raison-là que tous ceux qui ramènent des explications ou essaient de justifier leur intention de vouloir se rebeller contre un dirigeant musulman pour ses péchés ou pour son injustice, ils essaient de ramener comme choubha les exemples de certaines personnes qui ont justement pris des armes contre des dirigeants. Et lorsqu'on regarde ça, on voit que c'est en contradiction avec la sunna. Et non seulement ça, mais il n'y a aucun d'entre eux qui a pris des armes contre un dirigeant et qui a réussi à accomplir quoi que ce soit. Dans tous les exemples qu'on retrouve dans l'histoire musulmane. Donc, ça, c'est la preuve que, yani, ces choses-là ne sont pas justifiables et ne sont pas permises. Et donc, si quelqu'un vous amène des histoires ou des récits ou des arguments pour essayer de justifier, pour dire non, il n'y a rien, c'est pas interdit, puisqu'il y a un tel qui l'a fait, il y a un tel qui l'a fait, il y a un tel qui l'a fait, ça, c'est pas une preuve. Et l'exemple d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il a dit, lorsqu'il a ordonné aux musulmans de faire le Hajj tamattu, il leur a dit, faites votre umrah, ensuite vous enlevez l'ihram, et puis quand ce sera le Hajj, vous le remettez. Ça, c'est le Hajj tamattu. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux compagnons. Et après, quelqu'un est venu et a dit, oui, mais Abu Bakr et Omar, eux, ils disent autre chose. Alors, qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas a répondu? Il a répondu, j'ai peur que les pierres tombent du ciel sur vos têtes. Je vous dis, le messager d'Allah a dit, et puis vous objectez. Et vous dites, Abu Bakr et Omar, en voulant dire, comment osez-vous mettre la parole de Abu Bakr et Omar au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on peut dire ça à propos des exemples des plus grands parmi les croyants, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, radiyallahu anhu, As-Siddiq, et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, si on peut dire que même leurs paroles ou leurs propos, si elles sont en contradiction avec celles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de les prendre, alors que dire de ceux qui sont en dehors de ceux-là, qui ne font pas partie des Khulafa Rachidin et qui ont fait des choses ou qui ont dit des choses qui sont en contradiction avec la Sunna. Ça ne veut pas dire que ils sont, parce qu'il y en a qui disent, oh mais si vous dites ça dans ce cas-là, est-ce que vous dites d'eux que ce sont des Khawarij? C'est-à-dire que ceux parmi ces gens-là qui ont pris les armes et qui se sont rebellés contre ces dirigeants-là, ou qui ont sorti, ou qui ont pris des armes d'une façon quelconque. Est-ce que vous dites que ce sont des Khawarij? Et la réponse à ce sujet-là, c'est quoi? C'est que ils ont fait un ijtihad. Ce sont des ulama. Ils se sont trompés. Donc, on espère pour eux que Allah leur pardonne cette erreur-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, que le juge ou le dirigeant qui juge dans un ijtihad et qui se trompe, il a une récompense au lieu de deux. Mais ça, c'est bien entendu spécifique à celui qui fait partie des gens de la sunna et parmi les ulama. S'il fait un ijtihad, il se trompe, comme les sahaba, ils ont fait un ijtihad, ils se sont trompés, Allah leur pardonne et ils sont récompensés malgré tout. Mais si quelqu'un parmi les gens de la passion, qui il connaît la vérité et refuse de l'accepter, il persiste dans son égarement, comme les Khawarij que Ali radiallahu anhu a combattu, et les autres Khawarij à notre époque aussi, c'est la même chose. On ne peut pas dire, ah, eux, c'est un ijtihad pour eux. Hein, ils se sont trompés. Non, parce que eux, ce sont clairement des gens de passion. Les ulama leur ont clarifié le verdict et les jugements. Et eux, ils refusent d'accepter ça. Au contraire, même, ils font le takfir de ces dirigeants-là. Et de ces ulama, ils font le takfir des ulama. Puis en plus, ils les appellent des dirigeants du palais ou des dirigeants qui sont à la solde des ulama qui sont à la solde des dirigeants ou des ulama du palais ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la preuve que ces individus-là, à notre époque, ce ne sont pas des mujtahidines parmi les ulama qui se sont trompés, mais plutôt ce sont des gens de la passion qui ne suivent que leurs désirs et qui ne cherchent que à contredire la sunna et à suivre leur passion. Donc, ils n'ont pas d'excuses, ces gens-là. Hein? Et ensuite, le cheikh, il explique, et on va terminer avec l'explication de cette partie-là, c'est lorsqu'il dit, la partie du hadith où il dit, فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ هَذِهِ جُمْلَةٌ تَعْلِيلِيَّةٌ لِلُّزُومِ hein, لِلُّزُومِ الْجَمَاعَةِ وَفِيهَا بَيَانُ الْفَائِدَةِ hein, الحاصلة من لمن لزم الجماعة وأكثر روايات هذا الحديث جاء بلفظ من ورائهم بالجر وقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود من وراءهم على أن من موصولة أخرجه الشافعي بإسناد صحيح وقال ابن الأثير في النهاية على قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي يعني تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم يريد أهل السنة دون أهل البدعة والدعوة المرة الواحدة من الدعاء Donc il dit le cheikh par rapport à la partie du hadith où il dit parce que leur invocation enveloppe derrière eux, hein, tous ceux qui sont derrière eux. Il dit ça, c'est une phrase qui explique hein, et qui mentionne la raison pour laquelle il est important de rester avec la Jama'a et qui clarifie le bienfait qui découle du fait de rester avec la Jama'a. C'est-à-dire que l'invocation de la Jama'a, elle enveloppe tous ceux qui sont derrière. Hein, tous ceux qui en font partie. Et ça, c'est un des bienfaits de rester avec la Jama'a. Hein. Et la plupart des narrations mentionnent min wara'ihim avec une kasra, hein, biljar. Tandis qu'il y a d'autres narrations qui viennent avec une autre lecture ou bien une autre façon de le prononcer. Par exemple, le hadith de Ibn Mas'ud qui dit. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ Et ça donne presque le même sens, parce que ça voudrait dire ici que man serait mawsoula, c'est-à-dire leur invocation enveloppe tous ceux qui sont derrière eux. Hein? Ceux qui sont derrière eux. Donc ça revient à la même signification, مِنْ وَرَائِهِمْ ou مَنْ وَرَاءَهُمْ, dans les deux sens, ça implique que tous ceux qui sont avec la Jama'a sont inclus et sont touchés par cette doa. Et Ibn al-Athir, il explique encore une fois dans An-Nihaya que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tuhitu min waraihim, leur invocation enveloppe tous ceux qui sont derrière eux. Ça veut dire que ça les préserve et ça les inclut. Et il veut dire par cela les gens de la sunna et non pas les gens de la bid'a. Hein? Parce que les gens de la bid'a, c'est eux les premiers à appeler à détruire et à yani briser l'unité des musulmans. Donc, le terme da'wa, hein? Fa'inna da'watahum, c'est al-marra al-wahida min ad-du'a. C'est-à-dire, c'est l'invocation unique. Hein? C'est-à-dire que il y a le terme on a, dans la grammaire qu'on apprend, dans le sarf, que le terme qui est employé pour désigner une fois parmi les, par exemple, une invocation parmi les invocations, donc on l'utilise sous cette forme-là, comme par exemple ici, ad-da'wa, ça veut dire l'invocation. Dans ce contexte-là, ça veut dire une invocation parmi les invocations. Mais là, j'aurais du mal à l'expliquer plus en détail que ça pour aujourd'hui, parce que ce n'est pas un cours de grammaire, mais sinon, inshallah, dans le cours de grammaire, on expliquera ça lorsqu'on va arriver à ce moment-là. Le cheikh, il dit, « وَقَدْ شَرَحَ الْعَلَّامَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْحَدِيثِ شَرْحًا مُوجَزًا جَمِيلًا وَجَاءَ فِيهِ فِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ Hein? Il mentionne donc l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim de ce hadith-là. Yani, toute son explication. Et il mentionne le sharh donc, du hadith en question. Et le sharh qu'il a donné ici, ça fait comme. Attends, une page, deux pages, trois pages. 3 pages et demie. Donc, 3 pages et demie qu'il a mentionné pour l'explication de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc, on va s'arrêter, nous, ici, puis on continuera au prochain cours, inshallah, la suite de l'explication du hadith, et on lira l'explication de Ibn al-Qayyim bi-iznillah au prochain cours, inshallah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته